Y'a des hommes, des femmes, une flore et une faune. Des zones où les temps diffèrent et moi au microphone. Le ciel et un soleil, des nuages et des étoiles. Des océans, des rivières et la pollution qui s'étale. Y'a la tectonique des plaques, du magma et des strates. Depuis le noyau à l'écorce et on fait se détraquer les stades. Des espèces qui disparaissent, l'effet de serre qui agresse. Et on laisse faire l'évolution s'inverser dans la biosphère. Il y a les gaz rares, l'azote et l'oxygène. 4 milliards et demi d'années, une terre qu'on oxygène. On intoxique grave, on pousse à l'épave. Une fatalité qui est grave et dans son cœur de lave. On a la terre pour nous mais on l'alterne. On est la tare dans sa vie à port utard mais on alterne. Un jour on détruit ses forêts, un autre on perd sa couche d'ozone. Et pour finir on atomise quelques zones. Il y a des hommes, des femmes, une flore et une faune. Des hommes et des esprits qui font tourner au drame. Des illettrés, des incultes, des criminels, des armes. Des drogues et des litres de sang, des larmes et souvent des cendres. J'ai vu des choses immondes que j'ai du mal à décrire tellement les sentiments m'inondent. Anticonformiste depuis l'adolescence. Depuis que le rap m'est apparu et qu'il a développé mes sens. Enveloppé mon son, l'essence de ma vie, mon combat. Si je tombe demain, tant pis chacun son chemin. Tant qu'il y aura quelqu'un pour suivre mon dessin. Mon but futile mais peut-être utile à tous. Ils sont des milliards à y croire mais la fin sera lente et douce. Y'a des hommes, des femmes, une flore et une faune. Moi qui rappe pour rien et qui songe à devenir un faune. Des gens qui se préoccupent du monde, d'autres qui s'en occupent. Mais face à la nature, je crois qu'on est tous incultes. Ils représentent le mal et cette douleur incessante qui envahit leurs âmes et qui chaque jour se présente. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient identiques. Ce monde, c'est leur plus grande peur depuis l'antiquité. Ika, t'as raison de dire qu'ils se divisent. Personne ne s'analyse, ils persistent dans leur hantise. Sans cesse, c'est leurs égos qui révisent, se détruisent entre eux. Ils ont perdu leur qualité d'être attentifs et tendreux. Ils s'entretuent, deviennent leurs propres ennemis. Cherchent à structurer une société mais provoquent l'anomie. Ils sont plus bêtes que les animaux. Ils sont de la race humaine et perso, je les trouve anormaux. Ils se plaignent, se baignent dans leur malaise. Se plaisent à vivre de leur malaise que rien n'apaise. Sauf les bang bang, l'erreur est humaine. Ils ont mauvaise mine, ils cultivent la haine. Et c'est la connerie de l'homme qui culmine. Des hommes, des femmes, une flore et une faune. Moi qui rappe pour rien et qui songe à devenir un faune. Des gens qui se préoccupent du monde, d'autres qui s'en occupent. Mais face à la nature, je crois qu'on est tous incultes. Il y a des hommes, des femmes, une flore et une faune. Moi qui rappe pour rien et qui songe à devenir un faune. Des gens qui se préoccupent du monde, d'autres qui s'en occupent. Mais face à la nature, je crois qu'on est tous incultes.